marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai, oui, aucun mal, aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi. Il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer, sa force nous est donnée. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la Oh,